إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تشاتش بمن دون نساء هذا من الأذكار بعد الصلاة Donc ça, c'est juste, hein, c'est à titre informel, c'est le Shir Dimashqi qui avait fait ça. C'est, il montre en fait ce qu'il y a dans la Bible pour que les gens savent c'est quoi qu'ils ne se trompent pas en disant oh oui, la Bible c'est la parole d'Allah. A'oudou billah, c'est pas bien de dire ça. D'accord ? Parce qu'on sait que les Anbiya wa Rusul, les prophètes et envoyés, ce sont des exemples pour les gens. Ce sont des exemples pour les gens. Allah Azza wa Jalla a fait d'eux des exemples. Mais on se rend compte que ces gens-là, ils ne lisent pas la Bible. Tlef alef n safha. 3000 pages. Personne ne le lit. Mais eux, ils lisent quoi? Ils lisent les passages que leur prêtre, il leur dit de lire. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et ils croient que c'est suffisant. Mais subhanallah. Donc là, ce qu'il y a là, c'est qu'il y a toutes les références. D'accord? Regarde, ils disent subhanallah, a'oudou billah, sur Nuh alayhi salam, Noé but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il dit ça sur Nuh alayhi salam, Noé, qu'il se saoulait et qu'il se mettait tout nu et que ses enfants le voient tout nu. Ça, c'est un exemple d'un prophète. Subhanallah. Il dénigre les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que Lot alayhi salam a eu des relations avec ses filles. A'oudhu billah. Lot quitta Tsoar pour la hauteur. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père. Donc ils se sont mis à le saouler, a'oudhu billah. L'aîné couche avec son père, ensuite c'est la plus jeune. Ensuite, a'oudhu billah. Ça, c'est un exemple. Il dit sur Daoud, alayhi salam, il traite de Daoud que de traître, en disant qu'il a commis de l'adultère avec la femme de sa voisine. Il voulait la femme de sa voisine, il l'a vue, elle était belle. Et donc, vous pourrez voir ça. Et ce qu'il y a, c'est que, donc, comment il pouvait se débarrasser du mari? C'est qu'il a écrit une lettre au général de l'armée en lui disant, mettez-le en première ligne pour qu'il se fasse tuer. Donc, ils font passer pour un lâche et pour un traître, a'oudhou billah. Ils disent sur Sulayman, alayhi salam, ils disent que c'est un adorateur d'idoles, a'oudhou billah. Dans le livre des rois, Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, a'oudhou billah. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. A'oudhou billah, il veut dire que Hatta Daoud, alayhi salam, il ne suivait pas l'enseignement. Et Salomon alla auprès d'Astarté, divinité des Sidoniens. A'oudhou billah. Vous voyez le problème, il est où? Mais le mouchkla, c'est quoi? Le mouchkla, il vient des musulmans, le problème, il vient des musulmans. Qui sont là en train de dire religion monothéiste, il y a trois religions monothéistes. A'oudhou billah, c'est des kuffars et des mouchriquines ces gens-là. La Bible a été écrite 40 ans après l'élévation d'Aïssa alayhi salam. Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors maintenant, ils utilisent l'Ancien Testament, la Torah, dans ce qui les arrange, et quand ça ne les arrange pas, ah non, ça c'est l'Ancien Testament, on n'utilise que le Nouveau. Subhanallah. Yani, Eri. Comment tu veux, subhanallah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Tu lis le Coran, ton cœur il s'apaise. Subhanallah. Tu sais que cette dunya, c'est une dunya ibtilah. Subhanallah, la tublauna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Ma huwa al-hal, quelle est la solution? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et vous entendrez de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, et de la part de ceux qui associent à Allah, beaucoup de mauvaises choses. Ils vont vous insulter, vous dénigrer, vous. Hein? Et quelle est la solution? Et si vous patientez et craignez Allah comme il se doit, c'est la meilleure résolution à prendre. Tu vois, ton cœur, hein, il s'apaise à la lecture du Coran. Tu lis des versets, tu dis que... C'est pour ça, après, ils ne respectent pas les prophètes et envoyés. Hein? Ils disent que... Regarde. يبين ماذا هو مكتوب يعني هو الاسم بالكتاب العربية هو يعني دعا الكتاب المقدس يتكلم فيأخذ الآيات اللي موجودين في البايبل كما هما ويقرأ يقولون أن سليمان يعبد الأوثان ويسبون نوح كان يسكر يشرب الخمر ثم يضع ثيابه أعوذ بالله وداود عليه السلام كان ولوث كان عنده علاقات جنسية مع ابنته أعوذ بالله يعني يبين لك إذا كان هذا موجود في البايبل كيف يكون كلام الله إيه سبحان الله يعني كان لأن المشكلة اليوم أن بعض المسلمين يدافعون عن هذا الكتاب كتاب البايبل يدافعون عن ذلك ويقولون أن نحترم هذا لكم دينكم وليدين ولا يفهمون سورة الكافرون ولا يفهمون الولاء والبراء ويقولون هؤلاء موحدين أعوذ بالله يعني كلام من نواقض الإسلام مشكلة يديز دي بارول كي انول الإسلام voyez le problème idiot donc الله المستعان qu'est-ce que je Oui, parce qu'il ne voulait pas se truquer. Donc ça, en fait, c'est juste... Il avait eu une discussion avec un Arménien. Il ne croyait pas que Jésus, que Isa, alayhi salam, c'est le fils d'Allah. Il disait que non, c'est Allah. Parce qu'ils se sont divisés en trois, ces individus, ces kofars de mouchriquins, ils se sont divisés en trois. Il y en a qui sont restés sur le tawhid, les monothéistes. Et ils se sont enfuis au Yémen. Et il y a eu les jacobites et les nestoriens. Ceux qui disaient que Isa ibn Allah et ceux qui disaient que Isa huwa Allah. Il y avait ceux qui disaient Firqa taqul hadha ou Firqa taqul hadha. Un parti qui disait que Jésus c'est le fils d'Allah et l'autre qui disait que non, c'est Allah. Ils se sont réunis contre les monothéistes pour les tuer. D'accord ? Et donc, ils se sont sauvés au Yémen. Et notamment, Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, lorsqu'il est allé au Yémen, il a fait la da'wa à ces gens du livre, dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a envoyé. Donc, il faut en fait comprendre, comme on va le voir, inshallah, binillah, l'importance de l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Parce que s'il n'y a pas d'alliance et désaveu, les deux attestations de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, elles ne te servent à rien. C'est ça. Subhanallah. Parce que, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِسَامَ لَهَا Quiconque mécroit au Tawhid et croit en Allah a saisi l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Donc, cette anse la plus solide, elle passe par al-wala ou al-bara. Je vais juste essayer de me concentrer pour faire ça parce que j'arrive pas. Depuis tout à l'heure, je réécris plusieurs fois le ça. Donc là, c'est bon, inchallah. C'est affiché, hein? C'est bon? Oui, c'est bon. Alhamdoulilah. نعم عقيدة الصوفية يعني وحدة الوجود هذيك هي سبحان الله يديك تشوف ان فات يعني سبحان الله اذا كنت تركز في عقيدة الشيعة الروافض وعقيدة الصوفية وال وال اللي اللي اللي كريتيان هذا من النصارى سبحان تو فوا كو فما سبحان الله دي دي ليان انتر اي يا دي ليان انتر لي لي روافض لي شيعة avec il y a des liens avec les soufis et il y a des liens avec eux les chrétiens les catholiques. Les chiites disent que subhanallah comme les alawiyin يقولون ان الله دخل في عيسى دخل في علي. Ils disent que Allah est rentré dans Ali. اعوذ بالله. Naam, c'est à cause de ça, parce qu'en fait, dès qu'il avait brûlé certaines personnes, ils ont dit, eh bien voilà, donc c'est, il n'y a que Allah qui peut châtier avec le feu, donc lui, c'est Allah. A'udhu billah. Yani, vous voyez l'égarement dans lequel sont des personnes, et ils croient que parce qu'il est gentil, en apparence, parce qu'il ne vole pas, parce qu'il est en apparence correct avec les gens, donc ça y est, c'est suffisant. Subhanallah. Mais on connaît des kuffars qui sont très gentils, qui sont plus gentils que certains musulmans. Mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'ils sont sur le haq? Mais non. Allez, subhanallah, c'est pas une question de gentillesse ou une question de méchanceté. Le musulman, il doit être correct. Il est juste. Mais il aime en Allah et il déteste en Allah. C'est ça. يحب في الله ويبغض في الله. Ça c'est le wala wal bara. Et lorsque l'amour en Allah et l'animosité, la haine en Allah, ça ce n'est qu'en Allah. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui t'a إذا أخذ منك شيئا أو أعطاك شيئا أو تحبه أو تبغضه, non, ليس هذا. C'est pas ça l'amour qu'il faut. Il faut que c'est l'amour à soi, al-hub fillah faqat, ou al-bughd fillah faqat, subhanallah. C'est-à-dire que même dans ta propre famille, subhanallah, tu peux avoir des cas où est-ce que des gens, ils détestent la religion et ils la combattent. Tu ne vas pas dire, mais c'est mon frère, attends, je ne sais pas quoi. Ehi, tu aimes en Allah et tu détestes en Allah. À toi maintenant de patienter, leur faire leur appel, la da'wa, yani, l'allah qui a invoqué Allah Azza wa Jal qui les guide et qui nous guide. Vous voyez, yani, c'est pas une question. Il n'y a pas une question, subhanallah, de asabiyya. Il ne faut pas qu'il y ait cette asabiyya-là, ce partisanisme. De dire, mais non, c'est ma famille avant tout. Non, c'est le din avant tout, subhanallah. C'est les émotions qui l'emportent sur la raison. Mais c'est ça, subhanallah. C'est les émotions. C'est-à-dire, tu vois, wahdi wali, a'oudou billah, yani, il est guidé, il est dirigé par ses émotions. Non, ma famille d'abord. Yahi, ta famille d'abord. Est-ce que ta famille peut être bénéfique le jour de la résurrection si c'est tous des kofars? Non. Il y en a qui refusent même d'accepter l'islam parce qu'ils se disent, si je me convertis à l'islam, ma mère reste une kefra et puis moi j'aimerais qu'elle soit avec moi, donc ils refusent l'islam. Donc ils préfèrent être en enfer avec sa mère que, subhanallah, je ne comprends pas, un enfant ni. A'udhu billah, qu'Allah les guide et nous guide, amin. Mais il faut de la patience, parce que le mosque là que tu vas trouver, le problème que tu vas trouver, ce ne sera pas de la part des kofars, parce que les kofars, on sait sur quoi ils tiennent ça. C'est la part des musulmans eux-mêmes. Tu vois? Le mosque là, c'est les musulmans. T'ad'u ila Allah, wa hadha yaqul, la hadha la yasah, wa hadha la, subhanallah. Yahtaqir hadhihi da'wa, wa yahtaqir, subhanallah. Hadhihi hiya al-mushkila. Yasta'malu al-munafiqin, haoula, amni, liyasuddu an sabilillah, wa yabghunaha 'iwaja. Hawla quwwata. Hein? Tu disais, le problème c'est quoi? C'est que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que le problème il vient pas des kofars eux-mêmes, il vient des musulmans eux-mêmes. Non, ça, tu vas rappeler, tu vas inviter Allah, tu vois. Mais non, c'est pas ça. Oh, mais non, il est trop extrême. Oh, mais non, il est. Subhanallah. Et eux, ils croient que qu'ils sont bien, que subhanallah. La ilaha illallah. Donc, Inch'Allah, on va continuer les explications des Arba'in al-Nawawiyya, et on était aux explications de Cheikh Salih al-Sheikh Hafizahullah. Et Giovanni, si tu peux relire le hadith Inch'Allah pour faire appel, parce que la semaine dernière on l'avait pas fait pour les frères. Je crois qu'il prépare. Il n'est pas là, Giovanni. Ah, il n'est pas là. Je crois qu'il prépare un peu, je crois, à manger pour tout à l'heure. Ah, d'accord. Dis-lui, on préparera après. C'est mieux qu'il Maclofik. Je croyais qu'il était. Parce que je ne le voyais pas, je croyais que c'était. C'était Giovanni. La Bekran, Inch'Allah, si tu as le sale livre. Andek. Ah, j'ai pas le livre. Allahu Akbar. Tu n'avais pas reçu la semaine dernière, non? Si, si, j'ai écrit un autre. J'ai pris ça pour le. Allah al-Musta'an. C'est quoi ça? C'est les trois principes. Ah, Usul Thalatha. J'avais dit de le lire, ça, Usul Thalatha, en plus. Ouais, j'ai pris ça. Tu l'as lu? Pas entière. Il faut le lire en entier. Il va arriver, Inch'Allah, il finit vite fait. Ouais, Inch'Allah. Andek Yassine? Ouais. Non, j'ai pas. Tu l'avais pas? Qui c'est qui l'a le livre là? Moi. Vas-y, vas-y, Inch'Allah. Tu refais la lecture pour remémorer, Inch'Allah, les. Le deuxième le hadith numéro 2, oui. D'après Umar, radiallahu anhu, un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Et il lui dit, « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, l'islam consiste en ce que tu témoignes que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière rituelle, verser la zakat, et jeûne le mois du ramadan, et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. Non. Son interlocuteur lui répondit, tu as dit vrai. Et nous, de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit, « Informe-moi sur la foi, l'imen. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, « La foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire au destin qui te soit favorable ou défavorable. » L'homme lui dit encore, « Tu as dit vrai. » Et il reprit, « Informe-moi sur la bienfaisance, l'ihsan. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. L'homme lui dit encore, informe-moi sur l'heure, c'est-à-dire le jugement dernier. Et le prophète lui répondit, sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Non. Là-dessus, l'homme lui dit, mais informe-moi sur ces signes percurseurs. Précurseurs. Pardon, précurseurs. Et le prophète lui répondit, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans la construction des bâtisses de plus en plus hautes. Non. Là-dessus, l'homme partit, je demeurai là à un long moment, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?»« Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont les plus savants. Cet homme-là était l'ange Jibril, alayhi wa sallam. Il est venu pour vous enseigner votre religion. » Barakallahu fik. Donc là, on a revu le hadith, sur quoi il portait, sur Jibril alayhi salam, qui est venu sous une apparence d'homme, et on avait dit que seulement deux fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu sous sa vraie apparence, d'accord? Et le fait que, la hikmah qu'il y avait, le fait qu'il venait sous cette apparence d'homme, c'était parce que lorsqu'il était sous sa vraie apparence, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu peur. Donc pour ne pas faire fuir les sahaba, d'accord, et pour ne pas faire fuir l'ensemble, eh bien ce qu'il y a, c'est qu'il venait sous l'apparence d'un homme, d'accord, parce que le but c'était de leur transmettre et de confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait. Donc on s'était arrêté, barakallahu fikum, sur le fait que avec l'islam, iman et ihsan, d'accord? On avait vu que إِذَا اجْتَمَعَ افْتَرَقَ, lorsque l'islam et l'iman sont ensemble, ils ont des significations différentes. Lorsqu'ils sont ensemble, ça veut dire quoi l'islam? Lorsque vous lisez dans le hadith, l'islam et l'iman, c'est œuvre apparent, barakallahu fik, l'amal al-zahira, et puis l'iman, c'est l'amal al-batina. Donc l'islam et l'iman, lorsqu'ils sont ensemble dans un texte, eh bien ce sont l'islam, c'est les œuvres apparentes, et l'iman, ce sont les œuvres cachées ou intérieures. D'accord ? Les œuvres intérieures. D'accord ? Et, oui ? L'islam, donc, c'est lorsque... En fait, lorsque le mot islam et le mot iman, on les trouve dans un même hadith, comme dans ce hadith-là, eh bien, ils ont une signification différente. Mais lorsque, par exemple, tu lis dans un verset islam tout seul, tu vois, par exemple, inna din indallah l'islam, la religion Allah, c'est l'islam. Ça, l'islam tout seul, ça veut dire la religion dans sa totalité, tu vois. Et lorsque tu lis l'iman tout seul, ça veut dire la religion dans sa totalité. Lorsqu'ils sont en fait dans des textes différents, seul, soit l'islam seul, soit l'iman seul, ça veut dire la religion dans sa totalité. Mais lorsque tu trouves islam et iman dans un même hadith, par exemple, eh bien, ils ont des significations différentes. L'islam, ça réfère aux œuvres apparentes. On avait vu, c'est quoi ? Ben, ce sont les cinq piliers de l'islam. Et l'iman, ce sont l'amal al-batina. Yarhamakallah. Ce sont les œuvres intérieures. Cachées, intérieures. Parce que tu vois, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir à l'intérieur. C'est ça l'iman. Barakallofik. Donc, on avait vu ce point-là. Et on avait vu que Shahadatayn, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ça, ce sont des œuvres. Ça fait partie. Ce sont les œuvres apparentes. Pourquoi ? Parce qu'on doit le prononcer. D'accord ? Mais c'est aussi une œuvre intérieure parce que ça inclut les arkan et l'iman. La croyance. Parce que les deux attestations de foi impliquent que tu dois croire aux six piliers de la foi. D'accord ? On avait vu ce point-là. Donc on en était. On avait fini en fait avec la définition de l'attestation de foi. Tu dois croire sincèrement avec le cœur, tu dois le prononcer. Et de le dire, la preuve c'est de faire apparaître, prononcer, informer. C'est les œuvres apparentes. Exemple Zakat, qui est un. Naam, barakallahu fik. Et l'attestation de foi aussi, c'est cette croyance liée à tous les piliers de la foi. Ah, voilà. Donc l'islam c'est l'œuvre apparente liée à la foi. Le lien c'est les six piliers de la foi. Barakallahu fik. Le nom de la croyance. Barakallahu fik. Il faut croire aussi. Et c'est justement sur ce point-là qu'on s'était arrêté. Et donc il dit le Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhullah, il dit وَلِاعْتِقَدْ فِي الشَّهَدَتَيْنِ بِأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Donc la croyance dans les deux attestations de foi que nulle divinité n'est digne d'adoration en toute vérité excepté Allah, هذا هو الإيمان بالله. C'est la foi en Allah. وَبِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَرْجَعْ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَبِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Donc il dit que la croyance dans les deux attestations de foi, d'accord, que nulle divinité n'est digne d'adoration en toute vérité excepté Allah. Eh bien ça, c'est la foi en Allah. Dans les piliers de la foi, vous voyez que ça, c'est la foi en Allah. Et croire, attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, d'accord ? Eh bien, il dit quoi ? Il dit, eh bien ça, ça réfère à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, que de croire aux anges, aux envoyés, la foi au jour dernier et la foi au destin, bon ou mauvais. Donc ça veut dire que c'est la deuxième. Donc ça inclut, les deux attestations de foi incluent en fait les six piliers de la foi. Est-ce que c'est clair ça, Yassine ? Ouais. Donc en fait, tu vois, lorsque les deux attestations de foi, les shahadatayn, ça c'est le premier pilier de l'islam. D'accord ? Il y a cinq piliers à l'islam. Le shahadatayn, la salat, la zakat, le siyam et le hajj. D'accord ? Pour celui qui en a, le hajj pour celui qui en a les moyens et les capacités. Donc, ça ce sont les cinq piliers de l'islam. On voit que dans le premier pilier de l'islam, ça inclut les six piliers de la foi. Comment? Déjà rien que tu dis La ilaha illallah, هذا هو الإيمان بالله. Lorsque tu dis La ilaha illallah, ça c'est la foi en Allah. C'est le premier pilier de l'Iman, de la foi là maintenant. Ah, donc ça, en fait, le premier pilier de l'islam, c'est à côté de ça, c'est tout. Ça inclut les six piliers de la foi. D'accord? Parce que lorsque tu dis La ilaha illallah, ça inclut la foi en Allah. Et ensuite, lorsque tu dis que tu attestes que Muhammad est l'envoyé d'Allah, le serviteur l'envoyé d'Allah, ça inclut que tu crois à l'envoyé d'Allah et tu crois en tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire de croire aux anges, à tout le reste des six piliers de la foi, d'accord? Croire aux anges, croire aux livres, croire aux prophètes, croire au jour dernier, croire au destin, bon ou mauvais. On a bien cerné là comment rien que le premier pilier de l'islam renferme les six piliers de la foi. Ça c'est clair ça? Inch'Allah, barakallahu fikoum. الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بالاعتقادات الباطنة. Donc la foi, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a expliqué à Jibril comme étant les croyances intérieures. À l'intérieur, la croyance à l'intérieur, d'accord? Que tu dois croire aux anges, tu vois? Que tu dois croire à tous les prophètes envoyés par Allah, que tu dois croire à tous les livres, que tu dois croire au jour dernier, que tu dois croire au qadar, au destin bon ou mauvais. D'accord? وهذا الفرق بين المقامين لأجل ورودهما في حديث واحد. Donc il dit, et cela, c'est la différence qu'il y a entre ces deux statuts-là, là, qu'il y a entre l'islam et l'iman, lorsqu'ils sont mentionnés dans un hadith. Lorsqu'on avait dit, lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, ils ont des significations différentes. Et lorsqu'ils sont mentionnés seuls, d'accord, إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع, en fait. D'accord? C'est-à-dire que si l'iman et l'islam, ils sont ensemble, افترقا, ça veut dire qu'ils ont des significations différentes. Et lorsqu'ils sont dans des textes seuls, eh bien, ils veulent dire la même chose, c'est-à-dire l'islam dans sa totalité. D'accord? Raklofik. Il dit, فالإسلام إذا اقترن مع الإيمان رجع الإسلام إلى الأعمال الظاهرة ومنها الشهادتان. Lorsque l'islam est avec l'iman dans le texte, eh bien l'islam réfère aux œuvres apparentes. D'accord? Et parmi, d'accord, les œuvres apparentes, il y a quoi? Il y a les deux attestations de foi. Et les deux attestations de foi, lorsque tu dis nulle divinité n'est digne d'être adorée en toute vérité excepté Allah, ça inclut la foi en Allah, premier pilier de la foi. Et que tu dis wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, que tu attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et envoyé d'Allah, ça inclut que tu crois en lui et tu crois en tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire de croire aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. On a bien compris comment le premier pilier de l'islam englobe les six piliers de la foi. D'accord? Et donc lorsqu'ils sont ensemble, l'islam et l'iman, l'islam ce sont les œuvres apparentes, d'accord? وَإِذَا أُفْرِدَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُرَادْ بِهِ الدِّينِ كُلِّهِ. Et lorsque l'islam est seul, eh bien ça veut dire que c'est l'islam dans sa totalité. وَهُوَ الَّذِي مِنْهُ قِسْمِ الْإِسْلَامِ هَذَا. وَإِذَا أَفْرَدَ الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ يُرَادْ بِهِ الدِّينِ كُلِّهِ بِمَا فِيهِ الْأَعْمَالِ. Islam et iman ensemble, c'est œuvre apparente. Et islam seul, c'est dans sa totalité. Œuvre apparente, c'est la signification de l'islam. Et l'iman, ce sont les œuvres intérieures. Lorsque islam et iman ensemble, dans un texte, comme dans le hadith, l'islam, ça veut donc dire, ça a des significations différentes. Ils sont ensemble, significations différentes. Ils sont à différents endroits seuls, ils ont la même signification. Iman, c'est religion dans la totalité, islam, religion dans la totalité. Ensemble, l'islam veut dire les œuvres apparentes et l'iman veut dire les œuvres intérieures. Par exemple, comme dans le hadith de Jibril, ouais. Lorsque c'est quoi l'iman, c'est quoi l'islam. D'accord? C'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman? L'islam, les cinq piliers de l'islam, ça réfère aux œuvres apparentes, dont le premier pilier de l'islam inclut les six piliers de la foi. Et l'iman, ce sont les œuvres cachées, c'est-à-dire intérieures. C'est dans la croyance. D'accord? Ma croyance, d'accord ? Barakallahu fik. Et l'iman, lorsqu'il est seul, d'accord, eh bien veut dire aussi, là donc la religion dans sa totalité, avec les œuvres qu'il y a. ولهذا اجمع السلف والائمه على ان الايمان قول وعمل واعتقاد. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs sont unanimes sur le fait que la foi c'est une parole, c'est la parole, les actes, les œuvres et la croyance. C'est ça la foi. La foi c'est l'assumé. Parole, acte et ou œuvre, parole, œuvre ou acte et croyance. Ça, c'est la foi. وعلى أن الإيمان قول وعمل يعني قول وعمل واعتقاد يعني إذا فرد وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة في أن الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان إذا جاء مستقلا عن الإسلام فإنه يعني به الدين كله يعني به الإسلام والإيمان والإحسان وإذا أتى الإسلام في سياق مستقلا عن الإيمان يعني به الدين كله وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا من حيث الدلالة فجعل الإسلام للأعمال الظاهرة وجعل الإيمان للاعتقادات الباطنة. Ça c'est tout ce que j'ai déjà expliqué. من أهل العلم من السلف أيضا من رأى أن الإسلام والإيمان واحد وهذا كما ذكرت لك غير صحيح. Donc il dit il y en a parmi les gens de science, parmi les salafs, les prédécesseurs, qui disent que l'islam et la foi sont la même chose, que ce soit à différents endroits ou que ce soit au même endroit. Ils disent que cela n'est pas correct. وَمِنْهُمْ أَيْذًا رَأَى أَنَّ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانِ يَخْتَلِفَانِ وَلَوْ تَفَرَّقَ أَيْذًا. Il y en a qui croient que l'islam et l'iman et la foi ont des significations différentes, qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient à des endroits différents. ولكن الصحيح mais ce qui est correct en fait ان الاسلام اذا اجتمع مع الايمان صار الاسلام كما ذكرت لكم للاعمال الظاهره والايمان للاعتقادات الباطنه. Donc il dit mais ce qui est correct c'est que si l'islam est réuni avec l'iman alors l'islam correspond aux œuvres apparentes et la foi aux croyances intérieures. كما دل عليه حديث جبريل هذا كما حديث جبريل لبروف. نقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. On dit chez les gens de la sunna et du consensus l'Iman augmente et diminue, la foi augmente et diminue, d'accord. Ça c'est chez les gens de la sunna et du consensus l'Iman يزيد وينقص. Il va mentionner un point qui est intéressant. On va tirer un bénéfice dessus, Inch'Allah, sur ce point-là. Là. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna concernant la foi. La foi, elle augmente et elle diminue. Voilà, elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. D'accord ? Donc, mais en général, ils disent, c'est ce qui est connu des gens de la sunna et du consensus. Ils disent que c'est la foi qui augmente et qui diminue. والإسلام عند أهل السنة والجماعة لا يطلقون العبارة أنه يزيد وينقص. D'accord ? مع أنه متعلق بالعمل بالعمل الظاهر فكيف يكون هذا؟ واضح الإشكال. Donc il dit chez les gens de la sunna et du consensus la foi augmente et diminue. Mais également concernant l'islam chez les gens de la sunna et du consensus Ils ne disent pas que l'islam augmente et diminue. Ils ne le disent pas, ça. Bien que l'islam est lié aux œuvres apparentes. D'accord ? À l'œuvre qui est apparente. D'accord ? Donc, comment on peut expliquer ça, il dit ? L'iman, yu'alliquunahu bil-i'tiqadat al-batina. Ils disent que la foi concerne la croyance qui est intérieure, cachée, d'accord ? وَيَقُولُونَ يَزِيد وَيَنْقُصُ. La foi augmente et diminue. وَالْإِسْلَامِ فِي الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ولا يقولون فيه إنه يزيد وينقص. Et mais ils ne disent pas concernant l'islam qu'il augmente et diminue. والجواب عند هذا الإشكال أن الإيمان إذا أريد به عامة أمور الدين كما جاء في حديث مثلا وفد عبد القيس حيث قال لهم عليه الصلاة والسلام أمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم ذكر أمور الإيمان وقال أن تؤدوا الخمس من المغنم وهذا نوع من الأعمال Ça, c'est le hadith qu'on avait vu déjà dans l'explication de Cheikh Mohammed Amin al-Jami. D'accord ? Dans le hadith de Wafd ibn Abd al-Qais qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit il leur a ordonné en la foi en Allah. Il leur a dit, savez-vous ce qu'est la foi en Allah ? Il leur a dit donc les cas de la foi. Puis, il leur a dit, et que vous donniez le cinquième de ce que vous avez comme butin. Ah oui, c'est vrai. Vous vous en souvenez de ce hadith-là dans les explications de Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahmallah. Donc le fait que tu donnes, ça c'est plus dans les œuvres qui sont intérieures, là. C'est dans les œuvres apparentes. Mais ça fait partie de la foi. فَإِذَنْ الْأَعْمَلْ بِالتِّفَاقِ السَّلَفْ Donc les œuvres à l'unanimité des prédécesseurs, des pieux prédécesseurs, داخلة يعني من أهل السنة داخلة في مسمى الإيمان. Les œuvres sont partie intégrante de la foi. D'accord ? وإذا كان كذلك فإذا قالوا الإيمان يزيد وينقص فإنه يرجع في هذه الزيادة إلى الاعتقاد ويرجع إلى الأعمال الظاهرة. وهذا يعني أن الإسلام يزيد وينقص لأن الإيمان الذي يزيد وينقص إيمان القلب وإيمان الجوارح. Donc il dit, c'est pour cela que lorsque les gens de la sunna et du consensus disent que la foi augmente et diminue, eh bien ça implique aussi que on dit également que l'islam augmente et diminue. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi les œuvres apparentes qui sont incluses dans la foi. Et les œuvres apparentes, on avait vu que... Il ne faut pas que ça s'embrouille là. Ça s'embrouille, non ? Non, ça va aller ? Ok. On avait vu les œuvres intérieures cachées, c'est l'iman, barakallahu fik, et les œuvres apparentes, c'est l'islam. Mais on avait vu que même dans l'iman, il y a des œuvres apparentes, que tu donnes le cinquième, ça fait partie de la foi. D'accord ? Donc ce qu'il y a, c'est que... Lorsqu'on dit, lorsqu'on entend les gens de la sunna et du consensus dire, eh bien, la foi augmente et diminue. Mais ça inclut aussi que l'islam... On dit aussi, que c'est également correct plutôt de dire que l'islam augmente et diminue. Parce que ça inclut les œuvres qui sont apparentes. D'accord ? On va terminer cette partie-là et ça va être, inshallah, plus simple. Bi'idhnillah. Wa iman al-qalb. اعتقاده بقوة إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا الناس ليس فيه سواء بل يختلفون. Il dit la foi du cœur, la foi du cœur, selon la force de ta croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, eh bien il dit les gens ne sont pas égaux. Les gens ne sont pas égaux de cela. D'accord ? Les gens ne sont pas égaux dans cela. Dans leur croyance en Allah Azza wa Jal. Dans leur croyance aux livres. Dans leur croyance aux anges. Dans leur croyance aux prophètes. Les gens ne sont pas égaux. Quel verset on peut utiliser ? Quel verset on peut utiliser pour prouver que les gens ne sont pas égaux vis-à-vis de leur... De leur croyance en Allah Azza wa Jal. Les martyrs ? Non. Verset. Ah, oui. Je ne comprends pas le verset, mais ouais. Tu sais qu'il y en a, il dit ceux qui sont semblables, ceux qui voient, ceux qui ne voient pas. Oui, tu es proche, oui, exactement, oui. Oui. Oui. Mais le fait d'avoir, c'est pas la vue des yeux. C'est la vue C'est la vue du cœur. Et cette vision-là du cœur, comment on peut l'obtenir? Avec quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin? La connaissance. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Celui qui connaît. C'est... Alors tu vois, Balagolovic. Entre l'aveugle et le. C'est pour ça, ça rejoint ce que le frère Abdelaziz dit. Donc lui, il comprend sa religion, il comprend cela, il comprend les choubouhettes des Moubtadia, il comprend cela, il comprend les gens de la voie de la Sunna, il comprend, c'est clair. Donc ce qu'il y a, c'est que il sait, il voit avec clarté les preuves, il sait sur quoi il se tient, ça. Naam. Naam. Non, notamment, la traduction du sens du verset, je ne sais plus. Walaykoum as-salam. Smahli, juste ce que je dis, donc le cours est en direct là sur Paltok et sur Mixeller. Donc en effet, mais le verset que je voulais, moi, c'est est-ce que ceux qui croient. Non, est-ce que. Hal yastawi alladhi ya'lamoun wa alladhi la ya'lamoun. Est-ce que ceux. Qui ont la science, qui ont la connaissance, sont-ils égaux à ceux qui ne l'ont pas? La réponse est non. Voilà, ou l'aveugle et le voyant. C'est la bonne akida. D'accord, voilà. C'est-à-dire que celui qui connaît, le mieux tu connais Allah, le plus tu le craindras. Parce que quelqu'un que, par exemple, il ne connaît pas Allah, tu vois, il dit des insultes, il dit des mauvaises paroles. Alors qu'Allah Azza wa Jal dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, il entend tout. Donc tu sais que Allah Azza wa Jal entend tout, tu sais qu'Allah Azza wa Jal entend tout, et toi tu es prêt à dire des paroles que toi-même tu entends. Bien sûr, le fait qu'Allah Azza wa Jal entend n'a rien à voir avec nous, d'accord. Donc lorsque on dit que Allah entend tout, on montre pas notre oreille, d'accord. Donc, mais lorsque je parle de l'individu, nous, les créatures, je montre l'oreille parce que c'est, on entend par nos oreilles, d'accord. Mais rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal entend tout. Donc si tu sais qu'Allah Azza wa Jal entend tout, tu n'as pas de pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, le fait que tu dises des gros mots, ou le fait que tu dises des insultes, hein. Fa'akul fi kayf wahid yastahi min Allah, wa ya'lam anna Allah yasma' kull shay. وهو يسب ويقول الفواحش ويقول الكلام فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Celui qui, est-ce que ceux qui savent, qui ont la connaissance, sont égaux à ceux qui ne savent pas? La réponse est non. D'accord. Plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus tu le craindras. Hein? إن الله كان عليكم رقيبا. Allah vous observe constamment. Tu as ça dans ta tête. Tu sais qu'Allah nous observe constamment. Tu auras de la pudeur. On n'a pas cette pudeur-là qui fait qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal nous observe constamment et on commet un péché. On sait qu'Allah Azza wa Jal, il voit ce que l'on fait. Ce que je disais là, un coup dans un cours la dernière fois. L'individu qui regarde sa télé, bon, il y en a, ils aiment bien avoir les versets sur les murs, là. D'accord ? Les versets, ils n'ont pas été révélés par Allah Azza wa Jal pour qu'ils soient accrochés sur les murs. D'accord ? Les sourates, les tableaux de sourates, tout cela, ça ne fait pas partie de la sunna, ça. D'accord ? Le Coran, ce n'est pas une décoration. Mais Allah Azza wa Jal a révélé le Coran pour qu'on médite dessus et on applique. Vous comprenez ? Ce n'est pas juste, je vais avoir ce tableau-là et je vais être préservé de telle chose, de telle chose. Subhanallah ! Mais si l'individu est un désobéissant à Allah, il peut avoir le Ayatul Kursi là en collier ici, et puis il croit que parce qu'il a Ayatul Kursi, donc yani, hein? Subhanallah. Le fait de regarder la télé avec les sourates accrochées, on voit les choses. Eh bien, ceux qui veulent mettre des sourates, je leur dis qu'ils mettent un verset au-dessus de leur télé. Ils allument la télé et il y a le verset juste au-dessus là qui est collé à la télé, c'est Inna Allah kan alaykum raqiba. Allah vous observe constamment. Donc tu mets ça. نعم قلت تضع هذه الآية فوق التلفاز إن الله كان عليكم رقيبا سبحان الله Celui qui sait ça, tu crois qu'il va se permettre de se lancer dans des... Mais celui qui ignore celui-là, ouais. Il va insulter, il va... Subhanallah. L'individu est avec qui il aime. Il sait qu'Allah Azza wa Jal nous observe constamment. Tu t'assois avec les mubtadi'a, hein, mujal stahl el bid'a, t'assois avec eux et tout cela. Tu crois qu'Allah est satisfait de toi? A'udhu billah. Allah n'agrée pas cela. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Donc tu sais que inna Allah kana 'alaykum raqiba wa tujalis ahli al-bid'a. A'udhu billah. Tu sais qu'Allah est observé, tu es avec les mubtadi'a là, les innovateurs. Mustahid. A'udhu billah. Oui, donc c'est que les gens, barakallahu fik, ne sont pas égaux dans la foi en Allah. D'accord? Ils ne sont pas égaux dans la foi en Allah. Mais ces gens-là ne peuvent pas, se permettre de dire qu'ils ont la foi en Allah, puis qu'ils sont contre la loi de... Enfin, comment ça? Par exemple, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas. Subhanallah. Le prophète sallam a dit à Oussama ibn Zayd, ashaqaqta an qalbi. Est-ce que tu as ouvert son cœur? Tu veux pas? Tu vois? Fulan yaf'al ma'asi walakin la tastati' an taqul anna hadha laysa lahu iman aw la. Tu ne peux pas. Tu vois? Il tombe dans le fisq. Tu vois? On dit que c'est un fisq. Un fisq c'est quoi? C'est quoi le fisq? Hein? Non, c'est pas, j'aime pas cette définition. Non. Barakallahu fiik. Al-fisq c'est al-khuruj an ta'at Allah. C'est-à-dire que celui qui sort de l'obéissance à Allah. C'est ça. Donc il désobéit à Allah Azza wa Jal. Donc le fait qu'il désobéit à Allah Azza wa Jal, voilà, c'est un désobéissant à Allah Azza wa Jal. Et le problème c'est qu'il va se nuire lui-même. D'accord? Donc les gens ne sont pas égaux, barakallahu fiik. Les gens ne sont pas égaux vis-à-vis de leur foi en Allah Azza wa Jal. Musahafata ahlul bid'a. Le fait que tu donnes le salam aux gens de l'innovation. Et comme on disait tout à l'heure, c'est que les musulmans, ils pensent que... Mais non! T'es mutashaddid, t'es méchant, t'es extrême. Ça se fait pas. Tu dois dire le salam à ton frère qui est musulman. Et que celui qui débute avec le salam est plus récompensé que celui qui le rend. Il n'y a pas de problème dans cela, d'accord? Le problème, il est où? C'est que tu as affaire à un mubtadi' qui invite à sa bid'a, un innovateur qui invite à son innovation. Moi, je ne parle pas de l'ignorant qui suit, il ne sait pas. L'individu, il vient et il te dit de suivre son innovation. Et toi, tu te dis, je veux être gentil avec lui pour... Subhanallah, comment tu veux que cet individu se corrige? Donc, ça veut dire que tu es satisfait de son innovation. Ça veut dire... Antaravi bi bid'atihi. Ça veut dire que tu es d'accord. Et l'imam Malik, rahimahullah, yaqoul, man ibtada'a fil islam bid'a wa yara hasana, faqad za'ama anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khana ad-din wa fi riwaya khana ar-risala. Li'anna Allah yaqoul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idhan dina la yakun al-yawma dina. Quiconque innove une innovation et la considère comme étant bonne. Il fait une bid'a et il dit, oh, mais c'est une bonne bid'a. Il y a des bonnes bid'a et il y a des mauvaises bid'a. A'udhu billah. Alors que le prophète sallam a dit, kul bid'a dalal. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. A'udhu billah. Donc celui qui vient, comme je disais, comment on réfute cette choubra-là? Qui te dit, laysa kul bid'a dalal. بعض الناس يقولون هذا يقول ليس كل بدعة ضلالة بعض البدعة حسنة Pas toutes les innovations sont mauvaises, pas toutes les innovations sont un égarement, certaines sont bonnes. Comment on les réfute? Le professeur Racine a dit que toute innovation est un égarement et tout égarement est un... Ouais, mais s'ils te disent, oui, mais ce n'est pas le tout qui veut dire tout. Laïs al-kul alladhi huwa kul, comme ils disent. Que le prophète n'a pas transmis... Non, je l'avais dit ça. Ouais. Comment on dit? Vous vous souvenez? Non, mais comment on dit? Non, en utilisant le hadith même. Pas toute innovation est un égarement, ils te disent. Certaines innovations sont bonnes. On relit le hadith. Kul bid'a dalala, wa kul dalala finna. Mais toute innovation mène en enfer. Oui, oui, mais comment? Est-ce que si le prophète a dit toute innovation est un égarement? Non, il y a un moyen plus subtil, entre guillemets. Quelqu'un il te dit, mais non, il faut arrêter. C'est pas toutes les bid'a qui sont allées. Certains sont bonnes. Hein. Regarde Omar, il a dit, ni'ma hadhihi al-bid'a. Wa min jahlihim, subhanallah. Ils te disent, Omar a dit, quelle bonne innovation concernant les tarawih. Ça peut pas être une innovation. Ça c'est, kima qala ibn Rajab rahimahullah, ça c'est yurad bihi al-bid'a al-lughawi al-shar'iyya, subhanallah. Parce que c'est pas la bid'a qui est dans la législation, c'est seulement linguistiquement. Pourquoi? Parce que les qiyam al-lil les tarawih, ont été légiférés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la sunna. Ensuite, le fait qu'il y a une période de temps entre Abu Bakr et Siddiq, qui a combattu Ashab Ridda, tu vois, de la zakat, et ensuite Omar radiallahu anhu, qui a combattu Fars al-Rum, puis ensuite il a réinstauré la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était pendant cette période là où est-ce qu'il n'y avait pas eu ces tarawih là. D'accord. Mais donc, quelqu'un qui dit, donc le hadith, toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc il te dit, pas toute innovation est un égarement, alors tu lui dis, on complète le hadith, pas tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc il y a des égarements qui mènent au paradis, c'est ça? A'udhu billah. Non. Non, exactement. Subhanallah. Et dans le et ça, d'ailleurs, ça, dès que je mentionnais ça, je mentionnais toujours aussi avec le athar de Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah. Ils ont dit Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa al khair. Oh Aba Abdurrahman, c'est la kunya de Abdullah bin Mas'ud. Dès qu'il les a trouvés en train de faire leur bid'a là, hein, en jetant des pierres, en faisant le dhikr en groupe. Il leur a dit, malheur à vous. Comment ça? Je disais, rentre dans une mosquée où est-ce qu'ils sont en train de lire le Coran en groupe et tu leur dis, malheur à vous. La table, ils te la prennent, ils te la jettent direct. Tu vois? Subhanallah. C'est une bédah, c'est un égarement ça. C'est pas le dhikr qui est en remis en cause. C'est pas la lecture du Coran qui est en remis en cause là. Mais c'est la façon de le faire. Rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses sahabas, venez, on va se réunir et on va faire des décalages en groupe ou on va lire en groupe le Coran. Il ne l'a jamais fait. S'il y avait eu un bien dans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait... En groupe, ouais, d'une seule et même voix. Voilà, c'est une béda. Moi je parle pas de, il y en a un qui commence, il s'arrête, l'autre est voilà, en même temps. Voilà. Non, mais ça, dans l'enseignement, c'est différent. Par exemple, il y a les mecheikhs, ils ont dit, Inch'Allah, c'est permis, ils disent. Oui, parce qu'à la télé, des fois, on voit... C'est-à-dire que, par exemple, il est là, l'enseignant, et puis il dit, répétez comment on prononce cela, la façon, comment il prononce. Oui. Les gens, ils prononcent et ils les corrigent. Oui. Ça, c'est différent. Ça, c'est, il vient, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tous ensemble. Ouais. C'est une bid'a, ça. C'est un égarement. Les soufis et ceux qui suivent les soufis, parce qu'il y en a qui ne se disent pas soufis, mais ils suivent les soufis. Hein. Et ça, il y en a plein partout, en Afrique, au Maghreb. Tacharia, Hizb al-Latif, et Tunis. Hizb al-Latif, Andov. Et Tunis. Kolek Bishitahar. Weldou. Ils ont aussi ça. Ils vont dire, ils vont ramener Hizb al-Latif. Souleymiya. Ils disent, on va faire une Souleymiya lorsqu'il y a un mariage. Hein? Hafle Zifaf. حفل الزواج يقول لك سليمينة صوفية. يا رسول الله يا شاد لي يا بن حسن أعوذ بالله. يعني؟ Et après c'est quoi? C'est du mezoud. Après الناس يرقصون وهو يا رسول الله سبحان الله لا إله إلا الله. Donc on comprend hein, بارك الله فيكم. Comment on réfute les gens des passions, les mubtadi'a qui viennent avec ليس كل بدعة ضلالة فنرد عليهم ونقول إذن ليس كل ضلالة في النار بعض الضلالات في الجنة سبحان الله أعوذ بالله. C'est ça, voilà. Donc, يعني, et donc ce que disait Abou Ahmed barakallahu fi, c'est que vous voyez, ils commencent avec des bid'a comme ça là, et ils ont fini en devenant des khawarij. يعني, Abou Moussa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit fil riwaya? Il a dit, je les ai vus ceux-là, ils sont combattus, ils ont combattu aux côtés des khawarij contre Ali radhiyallahu anhu. Vous voyez comment que la bid'a mène aussi aux armes, subhanallah. Et eux, ils te disent. Donc, si quelqu'un te dit, pas toutes les innovations sont mauvaises, certaines sont bonnes, tu lui dis, ah d'accord. Donc là, tu viens de m'apprendre une chose que, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, pas toute innovation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc, si tu me dis, pas toute innovation est un égarement, donc ça veut dire, pas tout égarement mène au feu de l'enfer. Dis-moi quels sont les égarements qui mènent au paradis. A'oudhu billah. Ma hiya ad-dalala allati tuwasil ila al-janna. A'oudhu billah. Subhanallah. Yani tu vois? Ça on l'avait vu ça dans les cours ta'rif al-bid'a mais de toute façon on va le revoir ça. On va le revoir. On va le revoir en fait dans le détail, on va faire un cours spécial sur la bid'a. Parce qu'on avait vu des définitions mais succinctes, c'est vrai. On l'avait vu dès qu'on avait vu le hadith 1 et le hadith 5. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Le hadith de Aïcha radhiyallahu anha dans Sahih Muslim. Quiconque fait une œuvre ne faisant pas partie de notre ordre se verra rejeté. D'accord? Ça c'est ce point-là. Donc les gens dans leur foi en Allah, on en parlait de tout ça pour dire que les gens dans leur foi en Allah ne sont pas tous égaux. D'accord? Ils ne sont pas tous au même rang. Pourquoi on a parlé de tout ça en fait? On a dit que tu sais, celui qui sait qu'Allah l'observe constamment, donc il ne va pas s'asseoir avec les gens de la bid'a. Il ne va pas faire des bid'a. Et il ne va pas sourire aux gens de la bid'a. Tu vois? Tu ne vas pas faire aux gens de mubtadi'a. Non. C'est un mubtadi, akhi. A'oudou billah. Tu lui fais le rappel, il veut pas, akhi, tu t'assois pas avec lui. Tu lui dis, chouffe. Yani, subhanallah, Sofiane Thawri, rahimallah, il disait, El bid'a habba ila iblis min al ma'asya. La bid'a, elle est plus aimée au diable que le péché. Parce que celui qui fait un péché, il sait qu'au fond de lui, il a péché, que c'est mauvais. Et que, inshallah, il va se repentir. Mais celui qui fait une bid'a, tu dis, akhi, toubi l'Allah, limeva, subhanallah. Repends-toi. Il va te dire quoi? Il va te dire, mais pourquoi? Il comprend pas pourquoi il devrait se repentir. Il te dit, mais je sors 4 mois, 3 jours, moi au moins. Je suis dans un jihad, fi sabilillah. Subhanallah. Tu t'occupes même pas de ta famille, tu me parles de... Subhanallah. Il délaisse sa famille sans argent, sans rien. Il sort 4 mois à perdre son temps, sans aucun elle. Sans aucune connaissance de la da'wa, ni le manhaj, ni rien du tout. Et il dit, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à dormir dans les mosquées, à manger les plats pakistanais et tout cela, là. Celui-là, il cuisine bien et tout cela. Oh oui, l'ukhuwa entre nous, l'ukhuwa, l'ukhuwa. Subhan mahabba, mahabba, entre nous, je sais pas quoi. Subhanallah. Et il délaisse sa famille. Et il délaisse même avant sa famille, il délaisse sa propre personne. Subhanallah. Au lieu d'essayer de comprendre sa religion, et de se corriger sa relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, il délaisse tout ça. Donc, si tu sais, yani celui qui a la foi en Allah, les gens, yani ils sont pas, les gens ne sont pas au même niveau. Non, vous voyez? Les gens ne sont pas au même niveau. Et tu sais que la majorité des gens sont dans un égarement évident. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront de la voie droite. Là, toi tout seul, t'es la chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit : لَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ. Il y aura toujours une minorité de ma communauté qui restera sur la vérité. On fasse partie de cela. لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ أَوْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. Vous voyez, la minorité, القلة. Et tu lis l'ayat dans le Coran. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. سُبْحَانَ اللَّهِ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. سُبْحَانَ اللَّهِ. Excepté ceux qui croient et font de bonnes œuvres, et comme minoritaires ils sont. سُبْحَانَ اللَّهِ. Et dans l'autre verset, et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Le prophète sallam a dit, il y aura toujours une minorité de ma communauté qui restera sur la vérité. Subhanallah. Et hadith al-Ghuraba, barakallahu fik, dans Sahih Muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, bada l'islamu ghariba wa sayaoudu ghariban kama bada fatouba lil-Ghuraba. Qila manhum ya Rasulallah. Qala, il y a différentes riwayas dans cela. Man yuti' man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Voilà. Barakallahu fik. Il y a trois narrations. On va l'étudier celui-là, inchallah, l'explication du hadith sur les Ghuraba, les étrangers. Yani, l'islam a débuté étrange et redeviendra étrange comme il a débuté. Annoncer la bonne nouvelle aux étrangers. Qui sont-ils envoyés d'Allah? Et dans une narration, il a dit ceux qui se corrigent pendant que les gens sont corrompus. Et dans une autre narration, ceux qui les désobéissent sont plus nombreux que ceux qui les obéissent. Subhanallah. Non. نعم كانوا الناس يتمسكون ولا يختلطون بالأئمة المشهورين الذين يتعاملون مع الدولة هم كانوا واحدين كما جاء في الحديث نعم. يتمسكون بجذر الشجرة نعم سبحان الله ذلك سبحان الله هذا يفهم لي من نعم ويوجد حديث أيضا يقول الشيخ محمد صنعاني هذا عن العلماء حتى بين العلماء يوجد هم علماء الغربة نعم نعم قال هم يصلحون من سنتي حينما افسدها الناس نعم هذه رواية نعم سبحان الله هذا يتعلق بالعلماء نعم سبحان الله سبحان الله وفي حتى في شرح هذا الحديث في حتى انت الغرباء هم اهل السنة سبحان الله يعني سي قلة اهل السنة يعني وكثرة البدع والمبتدعة سبحان الله حتى في وقت ما البخاري كان ايه نعم سبحان الله في وقت عصر الحديث كانوا اهل الحديث الطيبة نعم كانوا الذين تمسكوا بالمذاهب في ذلك الوقت كانوا كثر سبحان الله نعم نعم c'est ça سبحان الله c'est que يعني سبحان الله donc comme qu'avait mentionné le frère c'est que donc il y a les narrations qui mentionnent que même que ce sont les savants entre eux d'accord يعني ça mentionne les savants ce sont ceux qui connaissent en fait la sunna ils sont plus étrangers que ceux qui s'y affilient, mais n'ont pas cette connaissance-là qu'eux. Celui qui connaît la sunna est plus étranger que l'autre. Subhanallah. Et ça mentionne aussi également le fait que c'est l'augmentation, en fait les étrangers ce sont les gens qui sont sur la sunna, et l'augmentation des innovations, et l'augmentation des gens de l'innovation qui seront en surnombre. D'accord ? Subhanallah. Et qui seront eux, et qui seront les gens de la sunna en petit nombre. D'accord ? Donc subhanallah. Tout ça, vous voyez, subhanallah, pour dire, est-ce que ceux qui croient, est-ce que ceux qui savent, et ceux qui, est-ce que ceux qui connaissent, qui ont le savoir, et ceux qui ne l'ont pas, est-ce qu'ils sont égaux? La réponse est non. Donc les gens ne sont pas égaux dans la foi en Allah. D'accord? Il dit, selon la force que tu as dans ta foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, هذا الناس ليسوا فيه سواء بل يختلفون منهم من إيمانه كأمثال الجبال ومنهم من هو أقل من ذلك. Il dit, il y en a où est-ce que sa foi est comme des montagnes. D'autres sont plus bas que cela. D'accord ? وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Comme le frère Ibrahim avait mentionné, il augmente avec l'obéissance et diminue avec les péchés. والأعمال الظاهرة التي هي من الإيمان تزيد أيضا وتنقص. Et la foi, et les œuvres apparentes qui font partie de la foi. Les œuvres apparentes qui font partie de la foi. On se rappelle, même en note, on peut marquer les œuvres apparentes qui font partie de la foi, le hadith de Wafd Abd al-Qais. Parce qu'on se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, vous savez ce qu'est la foi en Allah, il leur avait dit, et que vous donniez le cinquième de votre butin. Donc ça fait partie des œuvres apparentes. Donc, les œuvres apparentes qui font partie de la foi augmentent et diminuent. وَالْعَمَلَ الظَّاهِرَ الَّتِي هِيَ مِنَ الْإِيمَانِ تَزِيدَ أَيْضًا وَتَنْقُسْ فَكُلَّمَا زَادَتْ زَادَ إِيمَانَ الْعَبْدِ وَكُلَّمَا نَقَسَتْ نَقَسَ إِيمَانَ الْعَبْدِ. Donc les œuvres apparentes qui font partie de la foi, elles aussi augmentent et diminuent. À chaque fois que l'individu fait plus d'œuvres en apparente, eh bien sa foi augmente. Et lorsqu'il diminue en œuvres apparentes, sa foi diminue. D'accord ? وينقص الإيمان بالمعصية أيضا. Et également la foi diminue avec les péchés. ويزيد بترك المعصية. Et la foi augmente en délaissant les péchés. D'accord ? Comme celui par exemple qui fait les rawatib, les sunan, yani avant la salat obligatoire, après la salat, il s'y tient, et tout, il fait plein de sunan surérogatoires. D'accord ? Cela, yani, ça fait augmenter la foi, ça aide dans avoir la foi qui augmente, bi'idhnillah. Ba'd ahl al-ilm aydan yaqul al-islam aydan yazid wa yanqus. Ala i'tibar anna al-islam huwa al-iman fi dalalatihi ala al-i'tiqad wal-amal. Certains genres de sciences disent que donc l'islam également augmente et diminue en considérant que l'islam c'est la foi pour preuve que ça implique la croyance et les œuvres. La croyance et les œuvres. Les œuvres, les cinq piliers de l'islam, la croyance, les six piliers de la foi qui sont regroupés dans les deux attestations de foi qui sont le premier pilier de l'islam. L'islam, c'est la foi, c'est ça ? Bien, ça, c'est une partie des gens de science qui disent cela. Ils disent que l'islam augmente et diminue. Et on avait vu que cette parole-là est aussi correcte. Mais ce n'est pas une parole qui est utilisée. On va comprendre pourquoi. La différence entre la foi et l'islam, puisque on dit la foi augmente et diminue, et l'islam, c'est la foi. L'islam également augmente et diminue. C'est aussi correct. Parce que l'islam, les œuvres apparentes, qu'est-ce qu'il avait expliqué le cheikh ? Il disait que plus tu fais d'œuvres apparentes, plus ta foi elle augmente. C'est comme par exemple tu fais les prières surérogatoires, d'accord ? Ça aide à faire augmenter la foi. Plus tu les délaisses, plus ta foi elle va diminuer. Et si tu fais des péchés, ta foi elle va diminuer. Et si tu délaisses les péchés, ta foi elle va augmenter. Donc ça c'est dans les œuvres apparentes. D'accord ? D'accord ? Et ce qu'on avait dit tout à l'heure concernant la foi, eh bien, c'est que celui qui a la foi en Allah, elle n'est pas égale pour tout le monde. Tu vois, comme on avait dit, les exemples que j'avais mentionnés, celui qui sait qu'Allah l'observe constamment, il va avoir de la pudeur. Istahi min Allah, quoi. Tu vois, il va avoir de la pudeur et il va éviter de faire tel ou tel péché ou quoi que ce soit. D'accord ? Ou au fond de lui, il a des insufflations du diable en remettant en cause l'existence d'Allah, en remettant en cause des choses, tu vois, a'udhu billah. Donc ce qu'il y a, c'est que il va les ignorer, tu vois, parce qu'il sait que ce sont des insufflations du diable. D'accord ? Donc, Donc il dit fi dalalatihi ala al-i'tiqad wal-'amal aw fi dalalatihi ala al-a'mal adh-dhahira. Fa inna al-a'mal adh-dhahira aidan yazid ma'aha al-islam wa yazid ma'aha al-iman. Les œuvres apparentes augmentent l'islam et augmente la foi. Est-ce que c'est clair ça? كيف يزيد معها الإسلام؟ لأن الإسلام استسلام. Comment l'islam donc augmente? Parce que l'islam c'est la soumission. Il dit mal islam. Qu'est-ce que c'est l'islam, Makran? L'islam c'est des œuvres. Oui, mais pas dans ce hadith là. L'islam en général. La définition en général c'est? Soumission à Allah. Oui. La crainte d'Allah. Tu étais proche, Ibrahim. Oui, et crainte. La crainte, elle est dedans. Mais c'est un troisième. Oui, mais ça, c'est aussi dedans. Là, vous tournez autour c'est du. Oui, tu es proche, Ibrahim. Plus proche, c'est Ibrahim. Donc, l'islam, c'est quoi? L'islam, la soumission à Allah par le pur monothéisme. Déjà, soumission à Allah par le pur monothéisme. C'est-à-dire, tu n'adores qu'Allah, tu ne t'en remets qu'à Allah, tu ne sacrifies les animaux que pour Allah. Tu ne places ta confiance qu'en Allah. La crainte, tu ne crains qu'Allah. Tu vois? Barakallahu fik. Ça, c'est le troisième point qui est dans la définition de l'islam. Donc, premier point. Dans la définition, il y a trois points. La soumission à Allah par le pur monothéisme. L'islam, le lahb et le tawhid. Attends, tu l'avais déjà noté, ça, normalement. Oui. Soumission à Allah. Ouais, par le pur monothéisme. Deuxième point. L'inqiyad ou lahb et ta'a. Ça, c'est la sujétion, l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Soumission à Allah par le tawhid. Deuxième point, obéissance à Allah. Troisième point, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Si tu te soumets à Allah, ça implique que tu te soumets à Allah, tu vas obéir à Allah Azza wa Jal. Et le troisième point, c'est al-bara'a min ash-shirk wa ahli, le désaveu de l'associationnisme et de ces gens. Ça, c'est l'islam, c'est la définition en général. D'accord? Et de ces gens. Ceux qui font le shirk et le shirk en lui-même. Donc, comme on le verra dans la définition de la deuxième attestation de foi, le al-bara'a min ash-shirk wa ahli, ça c'est la ilaha, c'est dans la ilaha illallah. Quiconque mécroit au tarout. Et croit en Allah. Nafi wa ithbat. Négation, affirmation. C'est toujours comme ça. Négation, affirmation. La ilaha illallah. Nafi wa ithbat. La ilaha, al-ilah huwa al-ma'bud. Alaha abada. Vous voyez comment tu dois définir. La ilaha. Nulle divinité ne mérite en toute vérité l'adoration. La fausseté. Aucune. Tu renies l'adoration à toute divinité. Ça, c'est la négation. Fausseté. L'affirmation, tu affirmes que l'adoration ne doit excepter Allah. Tu ne l'affirmes qu'à Allah seul. Donc, le nefi ici, la négation, c'est que tu renies pas l'existence des divinités. D'accord? Tu dis pas qu'il n'y a pas d'autre divinité, comme tu peux dire dans les traductions. Pas de divinité à part Allah. C'est pas ça qui veut dire la ilaha illallah. C'est pas de divinité digne d'adoration en toute vérité. Parce que Allah Azza wa Jal les a nommés dans le Coran divinité. Parce que les gens ils les adorent. Donc ce sont des divinités. Ils les ont mis au rang de divinité parce qu'ils se sont mis à les adorer. Il prend ce pilier là, il se met à l'adorer. Donc ça y est, ça devient sa divinité. D'accord? Même les passions. Les passions aussi. Raït alladhi attakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a pris sa divinité comme passion? Non, sa passion comme divinité. D'accord? Également. Mais ça revient toujours à l'alliance des aveux. Affirmation et négation. C'est pour ça, affirmation, négation. Alliance des aveux. Ça, c'est le bara'a min ash-shirk wa ahli. Et dans la deuxième attestation de foi, wa anna Muhammadan Rasulullah, ça, c'est le wala avec les gens de la sunna et le bara'a min al-mubtadi'a. Tu t'allies avec les gens de la sunna et tu te désavoues des gens de l'innovation. Et vous voyez que le wala wal bara, c'est dans la ilaha illallah. Et le wala wal bara, c'est aussi dans wa anna Muhammad Rasulullah. Vous voyez? Parce que, qu'est-ce qui oppose le tawhid, c'est quoi? C'est le shirk. D'accord? C'est l'associationnisme. Et qu'est-ce qui oppose la sunna? C'est la bid'a. D'accord? Donc celui qui est un mubtadi'a, c'est pas quelqu'un de la sunna. Vous voyez? C'est pour ça. Pourquoi? Les ash'ari, les maturidiyya, les soufiyya, ils ne font pas partie, ils sont pas de ahl sunna. Ce sont des mubtadi'a. Vous voyez? Ils veulent faire partie des gens de la sunna, alors ils doivent se cramponner à la sunna. Et non pas inventer dans la religion. Tout individu qui invente dans la religion d'Allah ne fait pas partie des gens de la sunna. Ce sont tous des égarés. Celui qui ne s'agrippe pas à la sunna, ce sont des égarés et des déviants. Des innovateurs, des mubtadi'a, des du'at ala abwab jahannam, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Vous voyez? Donc, l'wala wal-bara, elle s'applique dans les deux attestations de foi. Il dit alors comment l'islam augmente et diminue. On a vu, l'islam c'est la soumission à Allah par le tawhid, l'obéissance à Allah et le désaveu de l'associationnisme et de ses gens. فالإسلام فيه الاستسلام لله بالتوحيد وهذا داخل في الشهادتين. Donc la soumission à Allah par le pur monothéisme, cela est dans les deux attestations de foi. أو تدخل فيه الشهادتان, ou bien les deux attestations de foi rentrent dans ce que implique la soumission à Allah par le pur monothéisme. فهذا إذا يزيد الناس فيه وينقص استسلامهم لله بالتوحيد مختلف يتفاوتون فيه والانقياد بالطاعة أيضا يتفاوتون فيه. Donc vous voyez la soumission à Allah par le pur monothéisme, les gens diffèrent dans cela. L'obéissance à Allah, les gens diffèrent sur cela, ils ne sont pas égaux. Vous voyez pourquoi là il en arrive au fait que l'islam augmente et diminue. Chacun se retrouve là-dedans en fait, quelque part. Voilà. Comment ça? C'est-à-dire, s'il obéit à Allah ou pas. Voilà, barakallahu fik, na'am. فلا يغلط. Donc, quiconque dit que l'islam augmente ou diminue, il n'est pas en erreur. On est d'accord? C'est correct. وقد أطلقه مرة شيخ الإسلام بن تيمية ولكن القول المعتمد عند السلف أنهم يعبرون في الزيادة والنقصان عن الإيمان دون الإسلام. Donc en fait, ce que les pieux prédécesseurs utilisent comme langage, ça c'est le langage, c'est que l'augmentation et la diminution, ils disent c'est dans la foi. On dit la foi augmente et diminue. Cependant, celui qui dit que l'islam augmente et diminue, c'est aussi correct. C'est aussi correct de dire ça. Cependant, ce qui est connu des pieux prédécesseurs, c'est qu'ils disent que la diminution et l'augmentation, c'est dans la foi. D'accord? Donc il explique pourquoi. Il dit donc le قول المعتمد عند السلف انهم يعبرون في زياده والنقصان عن الايمان دون الاسلام لان في ذلك مخالفه للمرجئه الذين يجعلون الايمان الناس في اصله سواء. Donc il dit en fait c'est pour se dire pourquoi en fait vous entendrez pas parmi les gens de la sunna les savants parmi les prédécesseurs, vous n'entendrez pas dire l'islam augmente ou diminue, bien que c'est correct de le dire. Mais vous entendez que la foi augmente et diminue. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour se différencier d'une secte qui s'appelle les Murjia, qui eux considèrent que la foi des gens, elle est la même. Ils disent que Iman Jibril est le même Iman que Afsaq al-Muslimin. يقولون نفس الإيمان بين أفسق المسلمين وإيمان جبريل. Parce qu'ils disent que la foi est la même. Vous voyez? Mais ils disent que les gens diffèrent dans l'islam. Ils disent pas que les gens diffèrent dans la foi. Ils disent que les gens diffèrent dans l'islam. D'accord? Il dit لأن في ذلك مخالفة للمرجئة الذين يجعلون الإيمان الناس في أصله سواء يعني في اعتقاده القلب وإنما يتفاوت الناس عندهم في الأعمال الظاهرة. Donc il dit dans la croyance du cœur, ils disent que les gens sont tous égaux, mais ils diffèrent dans les œuvres apparentes. Ça, c'est les Mourjia qui disent ça. C'est une secte égarée. فتقيد السلف بلفظ الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة الذين جعلوا الزيادة والنقصان في الأعمال الظاهرة دون اعتقاد القلب وعندهم اعتقاد القلب الناس فيه سواء كما يعبرون عنه بقولهم وأهله في أصله سواء. Donc les Mourjia en fait, ils disent que la foi c'est de reconnaître avec la langue et de témoigner avec le cœur. Mais ils disent que les œuvres pieuses ne font pas partie de la foi. C'est pour ça que les gens de la sunna, ils disent l'iman, qaoul, wa amal, amal bil jawarih, wa i'tiqad. C'est une parole, action avec les membres, et une croyance dans le cœur. Alors que les murjia, ils disent que c'est une parole, la foi c'est juste la parole, et le témoignage avec le cœur. Mais ils ne font pas rentrer les œuvres apparentes, les murjia, d'accord ? Ils ne font pas rentrer les œuvres apparentes. Tu restes comme ça, tu dis rien. Je crois. Voilà, tu peux pas me juger. Yes. Mon cœur, il est pur. Voilà. Il y a toutes ces. Oui. Qalbi nadif. Ah, la tahkum alayya. La tadri madha fi qalbi. A'oudou billah. Kul hadhihi al-ibarat, yani a'oudou billah. C'est ce que disent ces gens-là. Tu peux pas me juger, il y a que Dieu qui peut me juger. Tu vois, t'es qui pour me juger? Mais depuis quand on juge? Subhanallah, fa kayfa ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Comment que tu peux ordonner le bien, interdire le blâmable si tu peux pas juger d'une situation? En plus de ça, ils vont même pas agir dans les actes. Ils disent, les murjia, ils disent que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Ils disent que la foi de Jibril, c'est la même que le plus égaré des musulmans. Jusqu'à. A'oudhu billah, jusqu'à ce qu'une de leurs têtes des Murjia ait dit « Ma foi est comme celle de Jibril alayhi salam. » D'accord ? Parce qu'eux, ils croient que la foi n'a aucun lien. Ils disent que la foi n'a... Alaykoum salam. Ils disent que la foi n'a aucun lien avec la prière, aucun lien avec la salat, aucun lien avec la ibada, aucun lien avec la piété, avec la khashia. C'est juste la foi, juste une croyance qui augmente pas, qui diminue pas. Et ça oppose le Coran. Où Allah Azza wa Jal dit وَلِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَبْ. Subhanallah. Dans Surat Al-Muddathir, la traduction du sens du verset 31, nous n'avons assigné comme gardien du feu que les anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et qu'augmente la foi de ceux qui croient. Et dans Sourate Al-Anfal, le verset 2, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. زادتهم إيمانا. Dans la traduction du sens du verset, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc déjà rien qu'avec ces deux versets, c'est une réfutation, c'est un rad sur ces murjia. Vous voyez ? Allah Azza wa Jal dit clairement que la foi elle augmente. Mais eux, les Mourjia disent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Et moi, en leur faisant, ils se prétendent musulmans et en leur donnant ça comme preuve. Non, mais les gens suivent leur passion, Eric. A'oudou billah. Qu'Allah les guide et nous guide, amis. Dans Sourate At-Tawbah, le verset 124, où Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dans la traduction du sens du verset, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit quel est celui d'entre vous dont elle fait augmenter la foi. Vous voyez ? Quant aux croyants, elle fait certes augmenter leur foi et ils s'en réjouissent. Vous voyez donc là, c'est une réponse au murji'a. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il dit فتقيد السلف بلفظ الايمان يزيد وينقص خلافا للمرجئه الذين جعلوا الزياده والنقصان في الاعمال الظاهره دون اعتقاد القلب. D'accord. في فهم اركان الاسلام نجعل هذه الاركان تختلف في تعريف الركن عن فهم اركان الايمان. فنقول في اركان الاسلام يكتفي في الاسلام بوجود الشهادتين والصلاة وغيرهما خلاف. وأما في أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن، هذا من حيث التأسيل. Donc là il dit un point qui est très important. Il dit concernant les piliers de l'islam, eh bien il y a une différence avec la compréhension des piliers de la foi. On dit que dans les piliers de l'islam, il est suffisant dans les piliers de l'islam, suffisant, bien sûr il ne faut pas renier les piliers, ça c'est clair, mais il est suffisant dans les piliers de l'islam qu'il y ait les deux attestations de foi et la salate. Les deux attestations de foi, shahadatayn, et la salette, et la prière. D'accord ? L'individu prononce les deux attestations de foi et il fait ses prières. Il est musulman. Maintenant, s'il ne paye pas sa zakat tout en croyant que c'est obligatoire, il reste musulman. S'il ne fait pas le hajj tout en croyant que c'est obligatoire, il reste musulman. D'accord ? S'il ne jeûne pas le mois de Ramadan tout en croyant que c'est obligatoire, il reste musulman. Tu sais, dans le hadith où Abou Bakr il a combattu, là, il a combattu les gens qui ne voulaient pas payer la zakat. Voilà, pourquoi ? Parce qu'ils ont renié l'obligation de la zakat. Ils savaient que c'était obligatoire, non ? Non, ils l'ont renié. Ils ont dit qu'on l'a donné au prophète Hassan, mais on ne la donne plus après sa mort. Donc ils ont dit qu'elle n'est plus obligatoire. C'est pour ça qu'ils ont été considérés comme Ashab Ridda. Donc, les Ridda, ça veut dire quoi Ridda ? C'est que Redda ? Non, Redda. C'est le ? Oui, l'apostat, mais comment on dit ? Le retour, al-rujou', Redda ou al-rujou'. D'accord ? C'est qu'ils reviennent à ce qu'ils étaient avant, de connaître l'islam. Donc, celui qui renie l'obligation de la zakat, ou du jeûne, ou de n'importe quel pilier de l'islam, c'est un kafir, ça, celui-là, d'accord ? Mais celui qui ne renie pas l'obligation, qui sait que c'est obligatoire, mais ne fait pas le jeûne, ou ne donne pas la zakat, ou ne fait pas le hajj, malgré qu'il en a les moyens, il commet un péché majeur, qui ne l'exclut pas de l'islam. Non, ça c'est en dehors des attestations de foi et la prière. Ah oui. En dehors des deux attestations de foi et la prière. Celui qui délaisse un des deux premiers de l'islam, c'est pas un musulman. D'accord ? Soit il délaisse les deux attestations de foi, c'est pas un musulman. Ou soit il délaisse la salette, c'est pas un musulman. D'accord ? Même s'il ne renie pas l'obligation. Même s'il ne renie pas l'obligation. À part ceux qu'il a cités. Maintenant, celui qui fait la salette, mais il ne voit pas que c'est obligatoire, celui-là c'est un kefir. Ouais, il l'a fait. Ça, c'est, qui c'est qui fait ça ? Ce sont les munafiqines, les hypocrites. Il fait la prière, d'accord ? Mais au fond de lui, il ne croit pas. Ou il ne voit pas que c'est obligatoire. Ou il n'aime pas salat al-jama'a, il n'aime pas la salat en groupe. D'accord ? Celui quand je dis qu'il ne fait pas la salat, ce n'est pas les 5 prières. Parce qu'il y en a qui font 3 prières, 4 prières. Non, c'est 5 prières. Il n'y a pas 3 prières. C'est 5 prières. Non, 5 prières. Subhanallah. Subhanallah. Qawla Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Man taraka salat al-asr, muta'amidan habita amalo. Quiconque délaisse délibérément la salat du asr, toutes ses œuvres deviennent vaines. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimullah, avait expliqué, deviennent vaines, soit il a l'intention de la prier, mais en dehors de son heure. Ça veut dire que toutes ces œuvres qu'il a faites durant cette journée, rien n'est accepté. Ou le deuxième cas, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention de la prier, toutes ses œuvres deviennent vaines, ça veut dire qu'il quitte l'islam. D'accord ? A'oudou billah. Donc, là, akhi, barakallahu fik, certes, vous entendrez, اختلفوا بعض العلماء les gens de science sont différés sur le fait que yani, il au fond de lui, il croit que c'est obligatoire, il sait que c'est obligatoire, mais il le délaisse la prière. Il délaisse la prière. D'accord ? Mais l'avis le plus juste, c'est basé sur le Coran, la Sunna. Et à quoi le Sahaba ? Subhanallah. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, alors qu'il était en train de mourir, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit La hadha fil islam liman taraka salat. Pas de portion en islam pour celui qui délaisse la prière. Subhanallah. Et il n'était pas connu des sahaba, il y en avait un qui ne priait pas. A'udhu billah. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-'ahd alladhi baynana as-salat man taraka faqad kafar. Le pacte qui est entre nous, c'est la prière, celui qui la délaisse a mécru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma bayna al-'abd wa ash-shirk wal-kufr yakhtalif min sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Le L, la préposition L dans le hadith, elle est très importante parce qu'elle différencie en fait dans l'autre hadith, insulter un musulman est une désobéissance à Allah, et le combattre, c'est une mécréance, kufr. D'accord ? Insulter, il y en a qui vont traduire perversité, mais là je préfère utiliser pour fusuq. Le sens, c'est-à-dire, il est sorti de l'obéissance à Allah. Insulter un musulman est une désobéissance à Allah, d'accord ? Et le combattre est une mécréance, d'accord ? Est une mécréance. Cependant, le kufr ici diffère de, dans le hadith, ce qui est entre le serviteur, le shirk, et el-kufr, la mécréance, tark salat. Al-Kufr, ça c'est le Kufr dans sa totalité, qui exclut l'islam. Vous voyez ? Subhanallah. Parce que, yani, vous voyez dans les ayats, barakallahu fikum, les ayats, on comprend que, vous lisez sourate Al-Hujurat, que Allah Azza wa Jal, il ordonne aux croyants de réconcilier entre eux, s'il y a deux groupes parmi les musulmans qui combattent. Il dit réconcilier entre eux, vos frères. D'accord ? إنما المؤمنون إخوة. Les croyants sont des frères. La fraternité n'existe qu'en islam là. D'accord ? C'est pour ça que dans Sourate At-Tawba, فَإِنْ تَابُوا, la condition pour que les mouchriquines deviennent nos frères, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. D'accord ? S'ils se repentent, font la prière, donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. D'accord ? بَرَكَ. Donc ça, on comprend bien, et on va s'arrêter sur ce point-là, Inch'Allah. C'est ce que disait ici le Cheikh. Non ? Oui ? Non ? Ah ok, c'est une feinte. Donc, il disait, en dehors, donc il y a les cinq piliers d'islam, en dehors des deux premiers piliers de l'islam, c'est-à-dire des deux attestations de foi et la salat, quiconque a délaissé tout en croyant l'obligation de ces piliers-là. Il a délaissé la zakat, il a délaissé le hajj, il a délaissé le siyam. Mais il sait, il croit que c'est obligatoire. D'accord ? Donc en dehors des deux piliers, il croit que c'est obligatoire, mais il les a délaissés. Il commet des péchés majeurs, mais qui n'excluent pas de l'islam. D'accord ? Pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit concernant à celui qui, dans le sens, hein, parce que je ne mémorise pas le matin du hadith, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que celui qui ne paie pas la zakat, donc, aura soit une destinée en enfer, soit une destinée au paradis. Et c'est pour cela que les ulémas ont dit, ça ne peut être qu'un croyant. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le mécréant, lorsqu'il meurt, n'aura pas une possibilité d'entrer au paradis. Donc, dans le hadith, soit une destinée en enfer, soit une destinée au paradis, ça veut dire que ça concerne le croyant. Soit il sera châtié pour une période de temps que seul Allah Azza wa Jal sait, puis ensuite entrera au paradis. Hein? Ou soit il rentrera au paradis, il tombe sous, comme tu disais, Barakallahu fik, il tombe sous la volonté d'Allah. D'accord ? Alors, Il a commis un péché majeur, mais s'il meurt sur cela sans s'en être repenti, il tombe sous la volonté d'Allah. Naam. En dehors des deux piliers, s'il te plaît. En dehors de deux piliers, si quelqu'un délaisse un des cinq piliers de l'islam, tout en croyant en son obligation, un des cinq piliers de l'islam en dehors des deux premiers, c'est-à-dire en dehors des deux attestations de foi et de la salette. D'accord ? S'il a délaissé la zakat, ou bien le siyam, ou bien le hajj, tout en croyant au fond de lui que c'est obligatoire, il a fait kabir min kabir dhunub, un péché majeur. Et il est sous la menace d'un châtiment. Mais il reste musulman. C'est différent des piliers de la foi. C'est différent des piliers de la foi. D'accord ? إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا. D'accord ? Parce qu'il dit quoi ? Il dit فَإِذَا نَقُولُ يمكن أن يسمى مسلما ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام. On l'appelle comme musulman, d'accord, si il a délaissé quelques piliers de l'islam, et comme il avait dit précédemment, en dehors des deux attestations de foi et de la salat, d'accord, mais tout en, il les a délaissés, mais tout en croyant à leur obligation. ولا يصح أن يسمى مؤمنا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. Mais il n'est pas correct d'appeler qu'il est un croyant s'il a délaissé ou s'il n'a pas cru à un pilier de la foi. D'accord ? On voit la différence là. Dans les cinq piliers de la foi, tant que tu as les deux attestations de foi et tu fais la salette, tu es un musulman. D'accord ? Tu es un musulman. Bien sûr, il faut faire les cinq piliers de la foi. Parce que si tu délaisses les trois autres, tu commets un péché majeur. Et tu es sous la menace du feu de l'enfer. Tu vois ? Il faut croire bien sûr en l'obligation, d'accord, de cela. Donc celui qui délaisse cela, il tombe dans des péchés majeurs, il est sous la menace de châtiment. Vous voyez le danger. Mais malgré qu'il aurait délaissé le siyam ou bien le hajj, alors qu'il en ait les moyens, ou bien la zakat, mais il croit à son obligation, il est quand même musulman. D'accord ? Mais s'il délaisse la salette, là c'est autre chose, d'accord ? Kafir. Kafir. Ben, assis dans quel sens ? Certes, il désobéit à Allah, mais les kuffars, ils désobéissent tous à Allah. D'accord ? Mais comment il peut être un assis, subhanallah ? Juste un assis, un fesr, qu'on va dire. Subhanallah, dès que taqra, fil arba madhahib, dans les quatre madhahib, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, le moins pire, tu sais c'est quoi le moins pire ? C'est l'imam Abu Hanifa qui dit que celui qui délaisse la prière doit rester emprisonné jusqu'à ce qu'il se repente. Ça, c'est le moins pire. Tandis que l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et l'imam Malik ont dit « Yuqtal amdan ». Il est exécuté. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit quoi ? Il a expliqué cette parole-là de l'imam Ahmed en disant que il est emprisonné pendant il lui donne 3 jours pour se repentir. Et il lui explique, et il lui dit, voilà, il lui ramène les preuves, il lui dit ça, il lui dit, repens-toi, fais la salette. Si au bout de 3 jours, ou avant ces 3 jours-là, il s'est repenti et il fait la salette, alors il est laissé libre. Alhamdoulilah, il est revenu à l'islam, et c'est un musulman, d'accord ? Il fait la salette, il s'est repenti. Mais s'il a choisi la mort à la salette, il préfère mourir que de faire la salette, il meurt en tant que murted. C'est pas un hypocrite, ça ? Quelque part, c'est une forme d'hypocrisie, parce que vraiment, tu sais que tu veux mourir. Non, parce que là, il montre clairement. Mais non, parce que l'hypocrite, il va montrer l'islam. Il va faire comme, il va prier avec les autres pour montrer. Ça, c'est le monèvre qui montre. Alors que l'autre, il non. Tu vois, comme tu as des cas, Aoudou Billah, pour soi-disant une liberté personnelle, soi-disant je suis libre, je dis ce que je veux, ils veulent insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils veulent se sauver, je sais pas où. Il y en avait un qui avait fait ça en Arabie Saoudite. Il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti se cacher en Malaisie. En Malaisie, ils ont su que c'est toi qui as insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont retourné en Arabie Saoudite. Subhanallah. Pourquoi ? Pour soi-disant je suis libre, liberté de je sais pas quoi. Aoudou Billah. Vous voyez ? Donc, le moindre, c'est Abu Hanifa, Rahimallah qui a dit qu'il est emprisonné. L'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, ils ont dit qu'il doit se faire exécuter. Au départ, l'imam Malik avait dit, c'est un fesq. Et après, il est revenu sur sa parole, il a dit, et il a rejoint la parole de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed, en disant que c'est un... Ils ont eu cette même parole-là, qu'il doit se faire exécuter. Oui, subhanallah. Ça, c'est la parole des madhhab. Mais on pourra même faire dans les détails avec toutes les preuves, subhanallah. Qu'est-ce qu'il vous a mené à Saqar? Et Saqar, c'est quoi? Saqar, c'est un des plus bas niveaux de l'enfer. Comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'avait expliqué dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikuha, la prière et le jugement de celui qui la délaisse. Il a dit que Saqar, huwa makan fi jahannam la yadkhulha illa al-kafir. C'est un endroit en enfer que seul le kafir entre. Parce qu'il y a des musulmans qui se feront châtier, mais ils ne seront pas dans les plus bas niveaux. D'accord? Comme Saqar et tout cela. Mais ils seront dans des niveaux où est-ce que ne seront pas là, les mécréants. D'accord? Et donc, subhanallah, dès que tu lis ces versets-là, et tu lis les hadiths, subhanallah, et même dans le tafsir de sourate Al-Qalam, subhanallah, l'imam Ibn Kathir, rahimallah, avait mentionné que le jour où Allah, azza wa jal, sera, c'est-à-dire ceux qui faisaient la salat, ils se prosterneront. Et ensuite, il a dit quoi? Il a dit, tous ceux qui ne priaient pas dans ce bas monde-là, lorsqu'ils voudront se prosterner, eh bien, ils iront en arrière comme ça. Et il a dit, comme ils les ont opposés dans cette dunya, ils les opposeront dans l'au-delà. Il y a encore des ayats, et encore des versets, et encore des hadiths qui ne laissent aucune place au shak, aucune place au doute. D'accord? Et donc, il dit quoi? Il dit, s'il y en a un qui délaisse un pilier de la foi, un seul pilier de la foi, il n'est pas croyant. إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلام بدونه. L'islam n'est pas correct sans les six piliers de la foi. Il suffit qu'il y a un rukn min arkan al-iman qui manque, comme les blacks musulmans aux États-Unis qui ne croient pas en quoi? Ils ne croient pas en quoi, les blacks musulmans? Au jour dernier, Baraklofik. Ils ne croient pas au jour dernier. Donc c'est des kofars, c'est pas des musulmans. Mais pourquoi ils s'appellent Black Muslim? C'est Black Muslim, alors. T'as Malcolm X et... avant qu'il se repente là, Malcolm X. Il était avec les Black Muslims. Tu vois? Voilà, Elijah. Il y a Mohamed. Audoublé, c'est du shirk ça. Ils te disent que Allah est venu sous le Audoublé, Elijah, Mohamed. Audoublé. Oui, après c'est quoi? C'est parce que tu dois être black comme eux, sinon c'est... Oui, c'est un chat comme noir, c'est une incarnation d'Allah. Yeah, a'oudou billah. Ils vont essayer de dire, mais non, Jésus il était noir, Isa il était noir, il n'était pas... Le premier homme était noir aussi. Et le premier homme était... Tout ça, ça devient de la asabiyya. D'accord. L'islam n'est pas correct s'il n'y a pas de... S'il manque un des piliers de la foi. S'il manque un pilier de la foi. Naam. Qad wajib ala kul mukallif. Qad wajib ala kul mukallif. Donc là... Et c'est obligatoire à tous ceux qui ont atteint l'âge de raison, d'accord, qui savent discerner entre le bien et le mal. C'est une obligation de croire en ces six piliers-là. S'il y en a un qui manque, ce n'est pas un musulman. Man lam ya'ti bihi falaysa bimu'min. Celui qui ne vient pas avec ces six piliers de la foi-là, et avec les deux attestations de foi et la prière, ce n'est pas un musulman. Donc il doit avoir les cinq piliers de l'islam, il doit avoir les six piliers de la foi, d'accord? وهناك قدر زائد على هذا تبعا للعلم او تبعا لما يصله من الدليل. Donc on va s'arrêter inchallah sur ce point-là parce qu'ensuite on va aller la semaine prochaine inchallah aux explications ensuite du on a enfin terminé les explications, on va dire qui introduisent ce hadith là et on va commencer avec le premier pilier de l'islam qui sont les deux attestations de foi à partir de la semaine prochaine inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.